je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, oh. Mais tu ne veux pas m'écouter. Pas m'écouter. Tu ne penses qu'à ton LSD. Mais moi pour toujours, je crierai I love you. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chacune de mes paroles glisse. Tu ne penses qu'à ton cannabis. Mais moi pour toujours, je chanterai Ich liebe dich. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, oh, oh, oh. Au fond tu es un peu comme Perrine. Tu ne penses qu'à ton héros. Pour toujours, je crierai Te quiero. She's running out. Oh, she's running out. She run, run, run. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je crierai.